pas, je compte plus les heures. Yo-yo. Raconte des secrets, je garde tout pour moi. Je crois que par toi les autres filles j'ai mis une croix. Et quand tu me fais dégâter, je suis ailleurs, je suis plus là. Toute la journée je pourrais te mater. Tu mets la tête dans les nuages. Tokyo, Tokyo, t'es tout pour moi, te quiero. Tokyo, Tokyo, ta coupe de voix, ton style, je t'aime quand même malade. Je crois que tu sais pas toi. Et dans ton regard je m'évade. Je crois que tu le vois pas toi. Et j'aime trop ta façon de t'habiller. Tokyo, te quiero. Tokyo, te quiero. Tokyo, Tokyo, Tokyo, Tokyo, Tokyo, Tokyo, Tokyo, Tokyo, Tokyo, Tokyo, Tokyo, Tokyo, Tokyo, Tokyo, Tokyo, Tokyo. C'est pas une histoire pillée. Il en faut pour s'en tirer. Les gars, vous avez rien à cirer. Oui, on t'aime, faut que vous le sachiez. Oui, on t'aime, faut que vous le sachiez. Oui, ça, faut que vous le sachiez. Oui, même ça, vous faites.